fais oui, c'est comme ça avec tes deux mains. Alors regarde. Regarde. Coucou. Regarde. Lâche ta ficelle. Regarde, tu vois, tu as gagné une princesse. Allez, on en tire une autre. Allez, oui, c'est pour moi, le serpent. Et encore une. Encore une. Allez, vous n'avez pas de perdant, chaque ficelle est gagnante. Allez, chaque ficelle emporte une peluche. Lewis. Hop là, et le petit chat pour terminer. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on choisit un plus grand? Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on choisit un plus grand? En fait, regarde, si on les met ensemble, tu as le choix avec le chien ski, le dinosaure, le koala arc-en-ciel, la pluche pompon, Rick et Morty, Sweet Game, Fortnite, le chien, Huggy Buggy au choix. Alors, vous avez le choix comme ça jusqu'au bout du stand. Toutes les pluches qui ont une pastille orange. Et de l'autre côté également, jusqu'au bout du stand, toutes les pastilles oranges. D'accord? Si vous en rejouez trois et que ce sont encore trois petites, on arrivera dans les pastilles roses. D'accord? Allez, vous n'avez pas de perdant. Chaque ficelle est gagnante. Allez, chaque ficelle emporte une pelure.